Ah, tu connais quoi, elle va me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort, je t'en vas balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timidités. Il m'a dit, baby, ma pardon. Fais doucement, je pète tes plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, t'as 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. J'étais qu'un jeu frustrant. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout, pourquoi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Je sais pas pour qui tu m'as pris, j'ai capté la tête, pom pom pom. Je crois bien que tu l'as senti, t'as loupé le gosse, j'ai la gâchette, ça fait rom pom pom. Toc toc toc, mais qui va là, j'ai eu ma dose. Stop, qui va là, tu t'approches, tu m'éloignes. Et maintenant tu veux deviner mes failles, je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chiminiques, il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, fais tes sons. Et quand tu mens comme ça, qu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. J'étais qu'un jeu frustrant. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout, pourquoi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Pourquoi tu mens comme ça, on va balader. Faut que tu cesses, t'en vas balader. Pourquoi tu mens comme ça, t'en vas balader. Faut que tu cesses, oui. Et quand tu mens comme ça, tu fais 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout, pourquoi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer.